بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة on continue donc après avoir vu dans le cours lors du cours précédent, quels sont ceux qui payent la zakat et les cinq conditions qui doivent être réunies pour que la zakat s'impose à un individu. Maintenant, nous allons voir, bi'idnillah azza wa jal, quels sont les bénéficiaires exclusifs de la zakat. La zakat est donc reversée à 8 catégories de personnes. La zakat est, après avoir été prélevée et collectée, elle doit être reversée à 8 catégories de personnes qu'Allah Azza wa Jal a citées dans sa parole Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. En traduction approximative du sens, les sadaqat, les aumônes, ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Donc, c'est le verset 60 de Surat al-Tawbah. Donc, c'est dans ce verset qu'est donc Allah Azza wa Jal a donc clarifié dans son noble livre qui sont les bénéficiaires de la zakat. Ce qui indique que ce ne sont que ces catégories citées dans ce verset qui sont les bénéficiaires exclusifs de la zakat, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, innama sadaqat. Donc innama, c'est un terme qui est l'assemblage de deux mots, inna, qui indique At-tawkid, la confirmation, le renforcement dans la langue arabe, et ma qui indique la négation. Et ma qui indique la négation. Donc, innama, qui est le terme avec lequel commence ce verset, innama sadaqat, innama, donc c'est un terme qui est l'assemblage de deux mots, inna, qui indique at-tawkid, la confirmation, le renforcement. Et ma qui indique la négation. Et innama s'utilise donc dans la langue arabe pour indiquer la restriction, l'ilhasr. On dit innama l'ilhasr. Donc innama s'utilise pour indiquer la restriction. Ce terme confirme le jugement sur la chose ou sur l'être cité et nie ce même jugement pour tout autre que lui parce qu'elle est l'assemblage donc de inna, la confirmation et le renforcement, et ma qui indique la négation, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, innama Allahu ilahun wahid, innama Allahu ilahun wahid. Ce qui signifie la même chose que « La ilaha illallah ». Donc cette parole d'Allah Azawajal dans son noble livre, Innama Allahu ilahun wahid, ça a le même sens que La ilaha illallah. Donc, La ilaha illallah qui est donc la négation du droit d'être divinisé et adoré, la négation du droit d'être divinisé et adoré, et la confirmation et la restriction de ce droit à Allah seul. La confirmation et la restriction de ce droit à Allah seul. Donc, innama, donc, ça indique donc, innama Allahu ilahun wahid, ça indique donc la négation du droit d'être divinisé à autre qu'Allah et d'être divinisé et adoré à autre qu'Allah et donc la confirmation que ce droit n'est que pour Allah. La confirmation que ce droit est pour Allah seul. Donc c'est le même sens que La ilaha illallah, que kalimat al-tawhid, la parole de tawhid, La ilaha illallah. Donc dans le verset, dans ce verset, innama sadaqat, qui concerne la zakat, innama indique donc innama indique donc que les bénéficiaires de la zakat sont les catégories citées et seulement celles-là, pas d'autres. Donc innama, comme ça indique la restriction, ça c'est donc la preuve que les catégories qui sont citées dans ce verset comme bénéficiaires de la zakat, il n'y a que ces catégories-là seules qui peuvent donc bénéficier de la zakat. Et toute personne donc qui n'entre pas dans ces catégories, dans ces 8 catégories qu'on va citer et dont on va voir qu'on va définir, inshallah. Donc, si la personne ne fait pas partie de ces 8 catégories, donc il est interdit de lui reverser la zakat. Et la première catégorie, on va citer directement la première et la deuxième catégorie de personnes citées dans ce verset. Donc Allah Azza wa Jal a dit innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Donc la première catégorie citée, ce sont al-fuqara. Al-fuqara qui est le pluriel de faqir. De al-faqir. Et il a cité aussi al-masakin. Donc al-fuqara, ce sont les pauvres. Et il a cité donc al-masakin qui est le pluriel de miskin, qui est le pluriel de miskin. Donc, ce qui est la deuxième catégorie de gens à qui, donc, il est, qui sont les bénéficiaires, donc les ayants droit de la zakat. Et nous allons donc définir les gens concernés. On va définir donc ces deux catégories pour savoir ceux qui entrent donc dans ces deux catégories. Et une fois que nous aurons donc une fois que nous serons arrivés à préciser le type de personnes qui rentrent dans ces deux catégories, ça nous permettra donc de mieux définir qui est le riche. Ça nous permettra donc de mieux définir qui est le riche à qui il est interdit de verser la zakat, donc, et qui n'entre pas dans ces deux catégories, donc, qui sont al-faqir ou al-miskin. Donc, al-faqir ou al-miskin, le pauvre et le démuni et l'indigent, al-faqir ou al-miskin, donc, dans la langue arabe, ce sont des mots dont on dit إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. Donc dans la langue arabe, ce genre de mots, on dit deux, إذا اجتمع في افترقا إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. Ce qui veut dire que lorsqu'on les cite ensemble, ils se séparent dans le sens, et lorsqu'on les cite séparément, ils s'assemblent dans le sens. Donc ces deux mots, lorsqu'on les cite séparément, al-faqir ou al-meskin, ils s'assemblent dans le sens, et lorsqu'on les cite ensemble, ils se séparent donc, ils divergent dans le sens. Donc c'est ça le sens de cette parole. C'est comme par exemple l'islam ou l'iman. L'islam ou l'iman, on dit aussi la même chose de ces deux mots. L'islam ou l'iman, idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. Donc, par exemple, l'iman, ça veut dire que l'iman, par exemple, et l'islam, quand on les cite ensemble, ça a le même sens. Ça veut dire que l'islam, ça englobe l'iman. Et l'iman, ça englobe l'islam. Et lorsqu'on les cite dans la même phrase, lorsqu'on les cite ensemble, ils ont donc des sens différents. Et dans ce cas, l'islam, c'est la soumission par les actes, et l'iman, donc c'est la foi qui est dans le cœur. Mais lorsqu'on les cite donc séparément, l'un peut signifier l'un signifie l'autre et l'autre signifie l'un. Donc c'est le sens de cette phrase. Donc c'est la même chose ici pour al-faqir ou al-meskin. Allah Azza wa Jal donc les a cités ensemble dans ce verset. Et c'est ainsi donc lorsque al-faqir, le pauvre, est cité avec al-miskin, le démuni, l'indigent, dans la même phrase, dans l'épreuve du livre et de la sunna, ceci veut dire qu'ils ont chacun son sens séparé. Le pauvre est donc celui qui ne possède rien, et al-faqir donc est celui qui ne possède rien, et al-miskin, le démuni et l'indigent, est celui qui possède quelque chose, sauf que cela est insuffisant à combler ses besoins. Et lorsque ces mots sont cités donc séparément, al-faqir ou al-miskin, ils s'unissent dans le sens. Ils s'unissent dans le sens, c'est-à-dire que l'un englobe l'autre. Quand on parle d'al-faqir, ça a le même sens que lorsqu'on dit al-miskin. Donc on les cite séparément. Donc al-faqir englobe al-miskin, al-miskin, ça a le même sens que donc al-faqir. Et dans le verset qui nous concerne ici, donc le verset 60 de Sourate At-Tawbah, qui est donc la base pour désigner des bénéficiaires de la zakat. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal donc a cité les deux dans la même ayah, dans le même verset. Ça veut donc dire que chacun a son sens, à part. Donc chacun a son sens. Donc ils divergent l'un et l'autre dans le sens. Et parmi les arguments qui démontrent que al-faqir, le pauvre, et donc ils divergent dans le sens donc où al-faqir, c'est le pauvre, celui qui ne possède rien, et al-meskin, c'est celui donc qui possède quand même quelque chose, sauf que cela n'est pas suffisant à combler ses besoins. Donc le faqir, al-faqir, il est plus dans le besoin que al-meskin. Al-faqir, il est plus dans le besoin que al-meskin. Et parmi les arguments qui démontrent que al-faqir, donc le pauvre, est plus dans le besoin que al-meskin, l'indigent, le démuni. Donc les gens de science, ayant analysé la parole d'Allah Azza wa Jal, se sont rendus compte que dans son noble livre, Allah Azawajal, il commence toujours par citer le plus important et le prioritaire. Allah Azawajal, dans son noble livre, les gens de science se sont rendus compte, après analyse, que Allah Azawajal, dans son noble livre, il commence toujours par citer d'abord le plus important et le prioritaire, et ainsi de suite. Et donc, le pauvre étant plus dans le besoin que le miskin, le faqir étant plus dans le besoin que le miskin, et étant prioritaire à celui-ci, par rapport à celui-ci, donc Allah Azawajal a donc commencé par lui dans cette parole. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. Allah Azawajal a donc commencé par al-fuqara, les pauvres, parce qu'ils sont donc plus dans le besoin que al-masakin. Comme la zakat a été légiférée pour combler les besoins, il a donc commencé par citer celui qui est prioritaire, qui est plus dans le besoin, donc al-faqir. Il a donc commencé par al-fuqara, les pauvres. Comme argument pour démontrer que le pauvre est celui qui ne possède rien, les gens de science ont donc aussi cité la parole d'Allah Azawajal dans son noble livre لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Donc, les gens de science ont cité donc aussi ce verset qui est donc le verset de Surat al-Hashr, donc où Allah Azawajal dit, en traduction approximative du sens, aux pauvres immigrés qui ont été expulsés de leur maison et de leurs biens tandis qu'ils recherchaient la grâce et l'agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. Ceux-là sont les véridiques. Donc, ce verset est donc une preuve que el-faqir, le pauvre, peut donc désigner quelqu'un qui ne possède absolument rien. Quelqu'un qui ne possède vraiment rien. Car les muhajirin, donc, qui sont cités dans ce verset, donc, dont Allah Azawajal dit donc, les fuqara et les muhajirin, aux pauvres émigrés. Donc, les muhajirin et les muhajirun, donc, ont tout perdu en quittant Mecca et ils ont donc émigré vers Médine et ils sont donc arrivés à Médine n'ayant rien, ne possédant plus rien, car ayant tout abandonné derrière eux. Et donc, ce verset est donc utilisé donc par les gens de science comme preuve démontrant que Al-Faqir, c'est celui qui ne possède rien. Al-Faqir, c'est celui qui... Ça peut être celui qui ne possède rien. Donc, il est donc plus dans le besoin que Al-Miskin. Et parmi les autres preuves démontrant cela, donc, démontrant que le pauvre, c'est celui qui ne possède rien, et le mesquine, c'est celui qui possède quand même quelque chose, malgré que cela ne lui permet pas de subvenir à tous ses besoins, malgré que cela ne lui permet pas de combler tous ses besoins. Il y a la parole donc, comme preuve, il y a donc la parole d'Allah Azawajal dans Surat al-Kahf, où Allah Azawajal a dit Amma as-safinatu fakanat lil-masakin, ya'maluna fil-bahr. Amma as-safinatu fakanat lil-masakin, ya'maluna fil-bahr. أما ثم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. Donc, en traduction approximative du sens, quant au bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. Quant au bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. Donc, c'est le verset donc, de Surat al-Kahf. Et donc, ce verset est un argument parce que Allah Azzawajal nous a informé qu'ils étaient de pauvres gens. Dans ce verset, donc, Allah Azzawajal nous a informé qu'ils étaient de pauvres gens. Et malgré cela, il leur a attribué quand même la propriété du bateau. J'espère que c'est clair. Donc, dans ce verset, Allah Azzawajal, il dit donc, en traduction approximative du sens, quant au bateau, il appartenait à des mesakin qui travaillaient, de pauvres gens qui travaillaient en mer. Donc, c'est ce qui démontre donc que al-mesakin, ça peut être des gens qui ont quand même quelque chose, parce qu'Allah Azzawajal, dans le même verset, il leur a attribué la propriété du bateau. Ils étaient propriétaires du bateau. Mais il a informé que c'était de pauvres gens. Et c'est donc pour ça que Allah Azzawajal a utilisé donc le terme miskin. Donc, il a utilisé donc le terme masakin. Masakin au lieu de fukara. Ce qu'il aurait pu dire, amma safinatu fakanat lil fukara. Fakanat lil fukara et amaluna fil bahr. Il aurait pu dire ça à Allah Azzawajal, mais il a utilisé donc le terme miskin, le terme mesakin. Il a utilisé donc le terme mesakin parce que ceux-ci possédaient quand même quelque chose. Donc, ils possédaient le bateau, mais malgré qu'ils soient des pauvres gens, comme il l'a dit, malgré qu'ils soient des pauvres gens, ils possédaient quand même un bateau. Donc, ce n'étaient pas des gens qui n'avaient rien, absolument rien. Donc, c'est pour ça que, d'où donc... le fait qu'il convient mieux dans cette situation d'utiliser donc le terme masakin que d'utiliser le terme fukara. Donc voilà donc l'autre argument clair tiré du livre d'Allah Azzawajal qui permet donc de démontrer que la différence entre el faqir et el meskin, la différence entre el fukara ou al-masakin. Donc, al-fukara, c'est ceux qui sont plus dans le besoin que al-masakin, parce que al-fukara, ça peut être des gens qui ne possèdent rien du tout. Alors que al-masakin, ce sont des gens qui ont quand même quelque chose, qui ont quand même un moyen de subsistance, sauf que cela ne leur suffit pas donc à combler leurs besoins donc et à sortir de leur précarité. Cela ne leur suffit pas à sortir de leur précarité et de leur indigence. Et voilà, ils sont toujours dans le besoin. Donc voilà. Et donc ceci démontre donc que le faqir, c'est celui qui ne possède rien à la base. Et le meskin, c'est celui c'est celui qui possède quand même quelque chose, sauf que il est toujours dans le besoin. Malgré qu'il possède quelque chose, il est toujours dans le besoin. Bon, certains gens de science ont défini al-faqir comme étant celui qui n'a rien ou qui dispose d'une petite partie de ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Al-faqir a été défini par certains gens de science comme étant celui qui n'a rien, celui qui n'a absolument rien, ou alors qui dispose d'une petite partie, d'une infime partie de ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Et ses besoins, cela englobe tout ce qui est essentiel. Tout ce qui est essentiel et nécessaire pour sa vie, c'est-à-dire par exemple payer la location de son lieu d'habitation, ça rentre dans ses besoins, pouvoir payer les soins si les malades, ça rentre dans ses besoins. Payer les moyens de transport lorsqu'il a besoin de se déplacer, ça rentre dans ses besoins. S'il a besoin de se marier, par exemple, s'il est célibataire, il a besoin de se marier. Pouvoir financer son mariage, ça rentre dans ses besoins. Tout comme manger, boire et se vêtir rentre donc dans ses besoins essentiels et nécessaires pour sa vie. Donc tout ce qui est nécessaire à la vie d'un homme et dont le besoin se fait ressentir, donc ça rentre dans les besoins dont il est question. Et donc, je répète donc cette définition qui est une définition pertinente, c'est que el-faqir, c'est celui qui n'a rien, qui ne possède rien, ou qui a seulement une partie infime, une petite partie de ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Cette partie étant moins de la moitié de ce qu'il lui faudrait pour subvenir à ses besoins. Donc, el-faqir, c'est celui qui ne possède rien ou qui possède moins de la moitié de ce qu'il lui faudrait pour subvenir à ses besoins. Et el-miskin, c'est celui qui a au moins la moitié ou plus. El-miskin, c'est celui qui a plus de la moitié ou au minimum la moitié de ce qu'il lui faudrait pour subvenir à ses besoins. El-miskin, c'est celui qui possède donc la majorité, la majeure partie de ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins ou au minimum la moitié. Donc, c'est important de bien cerner ces définitions. Ça permet de voir qui donc entre dans, qui donc peut être concerné par le terme fakir, pauvre, et celui donc qui peut être concerné par le terme mesquin, démuni, indigent, nécessiteux. Donc, ayant donc défini ces deux cas, el fakir ou el meskin, ayant donc défini ces deux cas clairement, donc el fakir, c'est celui qui ne possède rien ou qui a moins de la moitié de ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Et el meskin, c'est celui qui a au moins la moitié ou plus de la moitié, la grande majorité ou au moins la moitié de ce qu'il lui faudrait pour subvenir à ses besoins. Ayant donc défini ces deux cas, on arrive donc au cas du riche, Al-Ghani. Le riche, donc, Al-Ghani, c'est celui qui n'est ni pauvre, ni fakir, ni miskin, qui n'est ni pauvre, ni démuni, ni indigent, car il possède tout ce il a tout, il a les moyens qu'il faut pour subvenir à tous ses besoins. Il a les moyens qu'il faut pour subvenir à la totalité et l'ensemble de ses besoins, de sorte qu'il n'a besoin de l'aide de personne. Il n'a besoin de l'aide de personne ni du coup de main de personne. Donc, il a les moyens de subvenir à l'ensemble et à la totalité de ses besoins sans exception. Donc, en ayant donc défini le Rani, El Rani, donc le riche, comme ça, on peut donc comprendre que quelqu'un peut donc avoir de quoi manger, de quoi boire, se vêtir, de quoi s'occuper de sa famille, mais par exemple, il ne possède pas de quoi se soigner en cas de maladie. Il ne possède pas de quoi se soigner en cas de maladie. Celui-ci n'est donc pas considéré comme un riche. Il n'est pas considéré, d'après la définition que je viens de donner, il n'est donc pas considéré comme faisant partie de El Arniya, qui est donc le pluriel de Rani, de El Rani, le riche. Donc, il n'est pas considéré comme faisant partie des riches parce qu'il n'a pas les moyens de subvenir à la totalité de ses besoins sans exception. Donc celui qui a juste les moyens de subvenir à une partie, même si c'est la grande majorité de ses besoins, et qu'il a des difficultés à subvenir à certains de ses besoins, il entre dans la catégorie des mesakin. Il rentre dans la catégorie des nécessiteux, des indigents, des nécessiteux. Donc, il n'est pas considéré comme étant riche. Il n'est pas considéré comme faisant partie de l'arnia, les riches. Donc, el-rani, c'est celui qui a les moyens de subvenir à la totalité, à l'ensemble, à la totalité de ses besoins, sans exception. La totalité de ses besoins, sans exception. Il se retrouve donc sans besoin d'aide. Il se retrouve donc sans besoin d'aide. Et dans ce cas, il est donc interdit de lui verser la zakat. Dans ce cas, il est interdit de lui verser la zakat. Et s'il est dans le besoin, s'il est dans le besoin, ça veut donc dire que il lui est permis de toucher la zakat. S'il est dans le besoin, quel que soit le besoin, il est donc permis de lui verser la zakat. Parce que dans ce cas-là, et s'il est incapable de financer ne serait-ce qu'un seul de ses besoins, on considère donc qu'il ne fait pas partie des Arnia et donc il est donc permis de lui verser la zakat. Il est donc permis de toucher la zakat. Et ceci, même s'il est propriétaire de biens qui atteignent un nisab. Donc, même s'il est propriétaire de biens qui atteignent un nisab, et ça c'est l'avis de la majorité des savants, même s'il est propriétaire de biens qui atteignent un nisab, il est permis donc de lui verser la zakat. Donc, quelqu'un peut par exemple être propriétaire de biens agricoles, de bétail, posséder des biens commerciaux qui lui suffisent à payer son loyer, à payer ses charges, à se nourrir, se vêtir, sauf que il a besoin d'argent pour payer ses soins médicaux. Il lui manque de l'argent pour payer ses soins médicaux. Dans ce cas, donc les savants ont estimé dans ce cas qu'il n'y a pas de mal à lui verser la zakat. Qu'il n'y a pas de mal à lui verser la zakat. Et c'est le sens du mot même el-rani en arabe. C'est celui qui est Et donc c'est celui qui est donc qui se qui se comment dire qui est dispensé du besoin, dans le sens où c'est celui qui est dispensé du besoin. C'est dans le sens que c'est celui qui est dispensé du besoin. Ça veut dire qu'il a les moyens qui lui permettent de se passer de l'aide de qui que ce soit. Il a les moyens de se passer de devoir tendre la main à qui que ce soit, ou de se passer de l'aide de qui que ce soit. Donc c'est celui-là donc qu'on appelle El Rani. Mais toute personne donc qui se retrouve dans le besoin, hein, par exemple, ça peut être que, voilà, comme on a dit, il peut avoir les moyens de subsistance, les moyens de se vêtir, de se nourrir, de se loger, de même de se soigner, mais voilà, il a besoin de se déplacer, par exemple de voyager, il n'a pas les moyens. Il a les besoins de faire des déplacements, mais il n'a pas les moyens, par exemple, pour faire ces déplacements. Dans ce cas-là, donc, toujours ça rentre donc dans le cadre où la personne ne peut pas combler l'entièreté, la totalité de ses besoins, et donc, il est donc permis de lui payer la zakat. Il est donc permis, pour ce type de personne, de bénéficier de la zakat, même si il possède donc des biens pouvant atteindre un nisab, même s'il possède des biens pouvant atteindre un nisab. Bon, exemple pratique pour bien comprendre les cas de el-faqir, le pauvre, el-miskin, le démuni, l'indigent, le nécessiteux, et el-rani, le riche. Et un exemple pratique pour bien comprendre ces cas et comprendre le type de personnes qui rentrent dans chaque catégorie. Prenons l'exemple d'un salarié qui a un salaire de 1000 euros, par exemple. Prenons l'exemple d'un salarié qui a un salaire de 1000 euros le mois, par exemple. Ça lui fait donc un salaire annuel de 12 000 euros. Il a 1 000 euros le mois, ça lui fait donc un salaire annuel de 12 000 euros. Et il n'a pas d'autres moyens de subsistance. Il n'a pas d'autres moyens de subsistance que son salaire. Donc ce n'est que son salaire qu'il a comme entrée. Et il n'a pas d'autres gains en dehors de ce salaire-là. Si ce qu'il lui faut, donc cette personne qui gagne 1 000 euros le mois et donc qui a un gain de 12 000 euros annuels, si ce qu'il lui faut faire comme dépense dans l'année pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, c'est par exemple 40 000 euros, en calculant, on s'aperçoit que bon, pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille dans une année, il lui faudrait 40 000 euros. Celui-là, on l'appelle donc al-faqir, pauvre. On l'appelle donc pauvre parce qu'il a moins de la moitié. Il a moins de la moitié de ce qu'il lui faudrait pour les dépenses d'une année pour lui et sa famille. Maintenant, si la même personne qui gagne donc 1 000 euros le mois, donc 12 000 euros l'année, si les dépenses qu'il lui faudrait faire, les dépenses qu'il lui faudrait faire dans l'année pour subvenir à ses besoins et celles de sa famille, ça s'élève à 24 000 euros. Si ça s'élève à 24 000 euros, donc il gagne de 12 000 euros l'année. Dans ce cas, celui-ci est appelé miskin. Celui-ci est appelé miskin. Pourquoi? Parce que il gagne au moins la moitié. Il gagne au moins la moitié de ce qu'il lui faudrait pour les dépenses d'un an. Il gagne au moins la moitié de ce qu'il lui faudrait pour les dépenses d'un an. Et dans la définition qu'on a donnée, on a dit donc que el-meskin, c'est celui qui a au moins la moitié de ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. C'est celui qui a au moins la moitié ou plus de ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Donc celui qui a au moins, qui c'est celui qui a la majorité de ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins ou au moins la moitié. Et donc, si cette personne qui gagne 1 000 euros le mois et 12 000 euros annuels, si ce qu'il lui faut pour dépenser pour les besoins de sa famille, pour ses besoins et celles de sa famille, et pour ses besoins et ceux de sa famille pour une année, c'est 15 000 euros, par exemple, si c'est 15 000 euros qu'il lui faut pour pouvoir payer l'ensemble des besoins de sa famille pour un an, et lui, il gagne 12 000 euros annuels. C'est donc toujours un mesquine. C'est donc toujours un mesquine. Il a la majorité parce que donc, il gagne donc 12 000 euros. Il lui manque seulement 3 000 euros. Donc il a un trou seulement de 3 000 euros pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille pour un an. Donc il rentre dans la catégorie de mesquine parce qu'il a la majeure partie. Il a la majorité de ce qu'il lui faut pour ses dépenses annuelles, sauf qu'il lui manque un petit quelque chose. Il a quand même certains besoins qu'il n'arrive pas. Il a quand même certains besoins qui s'élèvent à 3 000 euros qu'il n'arrive pas donc à combler. Et on a dit que El Meskin, c'est celui qui a la majorité, la grande partie de ce qu'il lui faut, ou au moins la moitié de ce besoin. Donc celui-ci donc est toujours dans ce cas appelé Meskin. Il rentre dans la catégorie donc des mesakin, à qui donc il est permis donc qui sont les bénéficiaires de la zakat. Maintenant, si la même personne, ça c'est un exemple pratique pour bien comprendre. Maintenant, si la même personne, il a des dépenses qu'il doit faire à l'année, si la même personne, il a des dépenses qu'il doit faire à l'année pour sa famille. Qui s'élève, le montant des dépenses qu'il doit faire à l'année pour sa famille s'élève à 12 000 euros. Hein? C'est-à-dire que pour subvenir à tous les besoins de sa famille, il lui faut 12 000 euros. Et donc, il gagne 12 000 euros. Hein? Il gagne 12 000 euros ou moins. Ça veut dire si les dépenses qu'il doit faire, ça s'élève à 12 000 euros ou moins de 12 000 euros. Et il gagne 12 000 euros. Dans ce cas-là, donc, c'est un rani. Donc, dans ce cas-là, il est considéré comme étant parmi El Arnia, les riches. Donc, il est interdit de lui verser la zakat. il est interdit de lui verser la zakat. Donc, la personne donc gagne 12 000 euros annuels, il gagne 1 000 euros le mois, 12 000 euros annuels, et en calculant ses besoins, en calculant les besoins qu'il a à l'année, le montant s'élève donc à 12 000 euros ou moins. Par exemple, ça peut être par exemple 10 000 ou 11 000 aussi. Si il gagne 12 000 euros l'année et que le montant de ses besoins en dépenses, c'est 12 000 euros ou moins, c'est-à-dire ça peut être 11 000 euros ou 12 000 euros. Donc, dans ce cas-là, il est considéré comme faisant partie des riches parce que, avec ce qu'il gagne, il a donc la capacité de subvenir à tous ses besoins et ceux de sa famille, sans exception, sur un an. Donc, c'est un exemple pratique qui permet de bien comprendre. C'est un exemple pratique qui permet donc de bien comprendre qui entre dans la catégorie de fakir, meskin ou bien rani. Donc, et avec cet exemple, chacun peut donc voir. Chacun peut donc voir où il se situe et calculer en fonction aussi, bien sûr, de la baisse ou de la hausse des prix. Tu peux donc savoir où tu te situes et ça permet de pouvoir toi-même appliquer le jugement qui correspond à ton cas. T'as pas besoin de poser de questions, tu sais à peu près. Tu sais à peu près le jugement qui s'applique à ton cas. Donc tout le monde sait à peu près combien il dépense par mois pour se nourrir et se loger. Et combien tu peux dépenser pour les moyens de locomotion. Par exemple, ceux qui ont des voitures, ils savent à peu près combien ils mettent de carburant par mois dans leur voiture. Et voilà, en cas de petite maladie, tu sais à peu près, tu peux savoir à peu près quelles sont tes dépenses pour les soins de santé. Voilà, donc ça permet donc, au vu de ces estimations, de savoir quel est donc ce que tu peux dépenser annuellement pour satisfaire à tous ces besoins essentiels pour toi et pour ta famille. Et donc, ça te permet de te situer et de savoir si tu rentres donc dans ceux à qui on peut verser la zakat, si tu rentres donc dans ceux à qui on peut verser la zakat, si tu rentres donc dans ces deux catégories, el-fuqara ou el-masakin, à qui donc il est permis de verser la zakat, à qui donc il est permis de verser la zakat. Et si donc tu ne rentres pas dans ces catégories et que tu fais partie de ceux qui ont les moyens de subvenir à tous leurs besoins. Voilà. Quelqu'un qui a les moyens, par exemple, d'épargner. Voilà, c'est les gens qui peuvent mettre de l'argent de côté, épargner déjà, donc on considère que c'est des harnias. Parce que si tu peux épargner, ça veut dire que tu as les moyens de subvenir à tous tes besoins. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Si tu épargnes, c'est que tu as déjà de l'argent pour subvenir à l'entièreté de tes besoins, sinon tu pourrais pas épargner. Sinon tu dépenserais et tu n'épargnerais pas de l'argent. Donc ceux qui ont déjà des comptes épargne, qui ont déjà de l'argent de côté, qu'ils ont mis et qu'ils épargnent pour voilà, c'est déjà des gens donc qui n'entrent pas dans ces catégories-là. Parce que le meskin et le fakir ne peuvent pas se permettre d'épargner. Ne pas se permettre d'épargner. Donc, dans ce cas-là, tu sais déjà que tu sors de cette catégorie de personnes. Tu sais déjà que tu sors de cette catégorie de personnes. Et donc, la personne qui a des biens, la personne peut avoir des biens, par exemple, quelqu'un peut avoir des moutons, des bœufs, des chameaux, mais il est toujours dans le besoin. Il est toujours dans le besoin pour certaines choses. Bon, il arrive à le logement, ça va, se nourrir, se vêtir, ça va, mais certains besoins, il n'arrive pas à les satisfaire. Dans ce cas-là, donc, les savants, donc, et c'est l'avis le plus juste, hein? Donc, lorsque le gouverneur musulman a collecté la zakat, hein? Lorsque le gouverneur musulman a collecté la zakat, donc, il est permis donc à ce genre de personnes à ce qu'on verse de l'argent à ce genre de personnes. Parce que malgré qu'il possède des biens qui atteignent un nisab sur lesquels il doit sortir la zakat, comme le bétail et voilà, des récoltes agricoles, ou qu'il a un commerce, voilà, qu'il a des commerces, donc il est toujours dans le besoin, il a toujours certains besoins qu'il n'arrive pas à combler, certains besoins essentiels qu'il n'arrive pas à combler. Donc, dans ce cas-là, il est donc permis de lui verser la zakat. Dans ce cas, il est donc permis de lui verser la zakat. Et comme preuve de cela aussi, on peut citer le hadith Qabisa qui est dans Sahih Muslim, et où ce sahabi Qabisa radiallahu anhu, il avait donc une grosse dette sur lui, et il dit donc dans le hadith: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. Donc Qabisa, il avait donc endossé une grosse dette, et il est donc venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander son aide par rapport à cette dette. Et donc, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ya Qabisa, inna al mas'ala la tahillu illa li ahad al-talata. Et parmi ces trois personnes, il a dit donc au Qabisa, le fait de demander n'est permis que pour ces trois types de personnes. Et parmi ça, il a donc cité Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahu al-mas'ala hatta yusibaha. Donc il dit donc hatta yusibaha thumma yumsik. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit donc au Qabisa, le fait de demander est permis à une de ces trois personnes. Le fait de demander, c'est quelque chose qui n'est permis qu'à une de ces trois personnes. Et parmi ces trois personnes, il a cité donc un homme qui a endossé une grosse dette, donc, et il lui est permis de demander jusqu'à ce qu'il puisse s'acquitter de cette dette. Puis, après, il s'arrête donc de demander de l'aide. Il lui est permis donc de demander de l'aide jusqu'à ce qu'il arrive à rembourser donc sa dette. Et après ça, donc, il s'arrête de demander. Donc, dans cela, on voit donc l'éducation prophétique où, sallallahu alayhi wa sallam, il éduque ses compagnons pour leur dire dans quel genre de situation il est permis à quelqu'un de demander de l'aide. Ce n'est pas à tout bout de champ. Et il y a des gens, par exemple, tu vas voir des gens, ils ne sont pas dans le besoin, mais ils vont demander de l'argent. Ils ne sont pas dans le besoin, mais ils vont demander aux gens de l'argent. Et ça, c'est un mauvais comportement qui est donc proscrit par la législation islamique. C'est la personne vraiment qui est dans le besoin et qui lui est permis donc de demander de l'aide. C'est la personne qui est dans le besoin à qui il est permis de demander de l'aide. Et donc, ce hadith donc est une preuve, donc, le hadith Qabisa qui est dans Sahih Muslim, c'est donc une preuve que quelqu'un peut donc avoir des biens, par exemple, et il lui arrive une situation où peut-être il est endetté ou autre, qui fait qu'il se retrouve dans le besoin d'aide. Et dans ce cas, donc, il lui est permis qu'on lui reverse la zakat. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai cité précédemment, il lui a dit: Aqim hatta ta'tina sadaqa fa na'mur laka biha. Reste là, il lui a dit, reste là jusqu'à ce que il y a une sadaqa qui nous parvienne et qu'on ordonne de te la verser. Reste là jusqu'à ce qu'il y ait une sadaqa qui nous parvienne et qu'on ordonne de te la verser. Donc ça montre donc que la personne peut avoir des biens et tout. Il peut avoir des biens pour lesquels il doit même sortir la zakat. Mais il se retrouve dans une situation où il est endetté. Il doit supporter de grosses dettes. Dans ce cas-là, donc, ce genre de personne, il lui est permis donc de lui verser la zakat. De lui verser la zakat. Donc, c'est l'avis le plus juste sur cette question. On lui verse donc ce qui lui suffit pour ses besoins et ceux de sa famille, donc pour une durée d'un an. Et c'est donc ça la question qui va suivre maintenant. La question qui va suivre maintenant, c'est quelle est la quantité de zakat qu'on doit verser aux pauvres et aux mesquines? Quelle est la quantité de zakat qu'on doit verser aux pauvres et aux mesquines? Lorsque le gouverneur musulman a collecté la zakat, quelle est la quantité qui doit être reversée aux faqir ou aux mesquines? L'avis le plus juste sur cette question, donc, est qu'on lui verse ce qui lui suffit pour ses besoins et ceux de sa famille pour une durée d'un an. On lui verse donc au faqir ou au mesquine ce qui lui suffit pour couvrir les dépenses qu'il fait pour les besoins de sa famille, pour lui et sa famille, pour une durée d'un an. C'est l'avis de Al-Hanabila, donc du Madhab Al-Hanbali, et d'Al-Malikiya, du Madhab Malikite, et un des avis du Madhab Shafi'iya, donc du Madhab de l'imam Shafi'i. Et c'est aussi l'avis de l'imam Al-Bukhari. C'est aussi l'avis de l'imam Al-Bukhari. Il a d'ailleurs intitulé un chapitre dans son Sahih dans ce sens. Il y a un chapitre dans son Sahih qu'il a intitulé dans ce sens. Et il a cité donc dans ce chapitre le hadith d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana yabihu nakhla bani nadir كان يبيع النخل بني نذير ويحبس لأهله قوت سنتهم. Donc dans ce hadith, il est dit que Omar ibn al-Khattab donc rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vendait les dattes issues des palmiers de Bani Nadir. Bani Nadir, c'est une tribu des Yahoud, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Et donc, lorsqu'il a combattu, donc, lorsqu'il les a vaincus, donc, et leurs biens ont été partagés aux musulmans. Et donc, parmi la part qui revenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donc des palmiers produisant des dattes, donc, qu'il vendait. Donc qu'il vendait et dont il après avoir vendu ces dates là il stockait. Le hadith dit donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vendait les dates des palmiers de Bani Nadir et il stockait les provisions d'un an pour sa famille. Wa yahbisu li ahlihi quwwata sanatihi. Donc, il stockait les provisions d'un an pour sa famille. Donc, les savants ont donc utilisé ce hadith comme un argument pour dire qu'on donne aux pauvres, que la quantité de zakat qu'on verse aux pauvres, c'est la quantité pouvant couvrir et combler ses besoins essentiels pour une durée d'un an. Donc, voilà donc l'avis le plus juste sur la question. Et Ibn Battal dans son commentaire de Sahih al-Bukhari au niveau de ce hadith, il dit que ce hadith est une preuve qu'il est permis de stocker les provisions d'un an et que cela n'entre pas dans ce qu'on appelle l'ihtikar. Et l'ihtikar, c'est donc le fait que des commerçants s'entendent pour stocker les produits alimentaires et ne pas les vendre exprès pour créer la pénurie et entraîner donc la hausse des prix. Ceci est interdit. Entraîner donc la hausse des prix. Une fois que les prix ont augmenté, donc ils sortent ces marchandises pour les revendre à prix fort. Donc ceci est interdit en islam. Ceci est interdit en islam de bloquer des produits alimentaires exprès pour attendre quand les prix grimpent et pour les revendre. Ceci est interdit. Car c'est porter préjudice aux consommateurs. Et donc, l'islam étant une religion de justice qui préserve les droits de tout un chacun et de tout le monde, ceci a donc été interdit. Et le hadith sur l'interdiction de cette pratique est dans Sahih Muslim, d'après Ma'amar, Ibn Abi Ma'amar, radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yahtakiru illa khati'. La yahtakiru illa khati'un. Et dans une version, il dit: Man yahtakara fa huwa khati'. Donc, celui qui pratique, il a dit donc, ne pratique l'ihtikar qu'un pécheur, qu'un fautif. Et dans une autre version, donc, il a dit: celui qui pratique l'ihtikar est un pécheur. Celui qui pratique l'ihtikar est un pécheur, est un fautif. Et donc l'imam Ibn Battal, dans son commentaire de Sahih al-Bukhari, dans son commentaire de du hadith d'Omar, attestant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam stockait les provisions d'un an pour sa famille, donc il explique que ceci n'entre pas, les fuqaha sont, il n'y a pas de divergence entre les fuqaha, donc les savants de la jurisprudence, pour dire que le fait de faire cela, stocker la nourriture, les provisions d'un an pour sa famille, n'entre pas dans ce qui est interdit, donc l'ihtikar. Donc ça n'entre pas dans l'ihtikar. Et donc, l'imam Ibn Battal, il dit aussi que ceci, dans cela, donc, dans ce hadith, donc, il y a une réfutation de l'avis des soufis qui disent qu'il n'est pas permis, donc, de faire cela. Donc, il n'est pas permis à la personne de garder même les provisions pour le lendemain, Donc ça, c'est l'avis des soufis. Ils disent que la personne, il n'est pas permis à quelqu'un de garder les provisions pour le lendemain parce que d'après eux, ce serait avoir une mauvaise pensée sur Allah et ça remettrait en question et ça remettrait en cause le tawakkul, qui est le fait de s'en remettre à Allah et placer sa confiance en lui. Et donc ce hadith réfute cela et prouve que ce hadith prouve donc la fausseté de leur avis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait lui qui est donc imam al-mutawakkilin, donc le meilleur, le guide et le maître de ceux qui s'en remettent à Allah et qui s'en remettent à Allah et qui placent leur confiance en lui. Donc c'est lui qui est notre guide et notre maître, il l'a fait. Donc à plus forte raison, nous, il nous est donc permis de le faire. Et ceci ne remet en aucun cas en cause le fait de placer sa confiance en Allah Azzawajal. Et au contraire, c'est une sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il convient de suivre et de mettre en pratique. Et beaucoup d'entre nous, et surtout ceux qui en ont les moyens, tu vas voir que à notre époque chez eux, c'est difficile que tu trouves même les provisions d'une semaine. C'est difficile de trouver les provisions d'une semaine. Et c'est une sunna donc qu'il est bien de suivre. C'est une sunna prophétique qu'il est donc bien de suivre, de stocker les provisions d'un an pour sa famille, parce que cela a de nombreux avantages. Cela a de nombreux avantages. Parmi les avantages qu'on peut citer, c'est le fait que le fait que c'est une précaution et une bonne cause pour éviter certains désagréments qui peuvent survenir. Certains désagréments qui peuvent survenir. Donc, c'est une précaution et une cause. C'est une bonne cause que la personne fait, même si bien sûr, comment dire ça? Ça ne t'exempte pas d'être touché par quelque chose qu'Allah Azzawajal peut avoir décrété. Et ça ne te met pas à l'abri du décret d'Allah Azzawajal. Donc, ça ne te met pas à l'abri du décret d'Allah Azzawajal, mais c'est une bonne cause et une bonne précaution à prendre pour éviter certains désagréments sur des imprévus qui peuvent arriver. Et donc, tu peux être touché, on peut être touché, on l'a déjà vu dans certains pays, des événements qui peuvent arriver subitement et ça devient compliqué de se procurer des denrées alimentaires. Des troubles liés à des problèmes politiques ou autres, voilà, la guerre qui peut survenir à tout moment. On l'a vu récemment aussi avec la crise liée au Covid. Bref, il y a différents types d'événements imprévus qui peuvent survenir. Et si le musulman a pratiqué cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de faire les provisions d'un an pour sa famille, et de les stocker chez lui, cela lui permet donc de tenir des mois et il a le temps de venir, il a le temps de voir venir tranquille. Il a le temps de voir venir tranquille, walillah alhamd. Et donc, par la grâce d'Allah Azzawajal, il a sécurisé l'approvisionnement, il a sécurisé l'approvisionnement de sa famille. Et ceci permet aussi d'être moins affecté par une éventuelle hausse subite des prix. Ça permet d'être moins affecté par une éventuelle hausse subite des prix. Et ça permet aussi de gagner en temps parce que on passe beaucoup de temps à s'approvisionner dans les marchés ou autres. Si on s'arrête un peu et qu'on fait le calcul, on se rend compte qu'on passe énormément de temps à faire les emplettes et à faire ses courses, à faire les provisions pour la famille. Donc, quand on fait les provisions d'un an, d'un coup, ça nous libère pas mal de temps. Ça nous libère pas mal de temps qu'on peut, par exemple, utiliser pour l'adoration d'Allah Azawajal, la lecture du Coran, pour apprendre notre dîn ou faire toute autre chose profitable pour nous, pour notre dunya ou notre dîn. Donc, ça enlève aussi un souci en moins dans la tête. Donc, ça concerne bien sûr les produits de base non périssables. Les produits de base non périssables comme le riz, les pâtes, par exemple, la farine, le sucre ou autres qu'on peut stocker longtemps. On peut stocker longtemps sans que ça se dégrade. Et, wallahi, les frères, celui qui met cela en application, cette sunna-là de faire les provisions pour une longue durée, pour une durée d'un an par exemple, en achetant ce genre de denrées, en gros, et en les stockant chez lui, il va ressentir ce qu'on appelle la baraka. Il va ressentir vraiment ce qu'on appelle al-baraka. Par rapport au fait de d'acheter les denrées tous les 2, 3 jours ou toutes les semaines. Tu vas vraiment ressentir cette baraka dans ton argent et tu vas voir aussi, tu vas te rendre compte que ça te fait économiser et que ça te libère même bi-idhnillah azzawajal, des fonds avec lesquels tu peux faire autre chose. Et on connaît tous les mérites et les barakats, les bénédictions qu'il y a les bénédictions qu'il y a à suivre la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi aussi les raisons qui ont été évoquées sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela, est que lorsqu'il avait stocké les provisions pour un an pour sa famille, il pouvait donc tranquillement utiliser le reste de ses gains fi sabilillah, et il pouvait donc l'utiliser pour les besoins des musulmans. Et comme on le sait, il était souvent très sollicité, et comme il était très généreux et répondait à toutes les demandes selon sa capacité, donc ça lui permettait donc d'avoir déjà sécurisé les besoins de sa famille, et donc il pouvait donc à loisir il pouvait donc utiliser le reste de ses gains. Et ça peut être aussi la même chose pour nous. Donc une fois que tu as sécurisé donc quelque chose qui est vraiment important, l'approvisionnement de ta famille, donc ça te laisse donc le moyen de, et c'est une tariqa shar'iyya, donc une méthode légiférée pour les dépenses du musulman. C'est une méthode légiférée à utiliser donc pour les dépenses du musulman. Donc faire les provisions vraiment pour une longue durée, voilà, tu vois que ça a beaucoup de bénéfices. Ça a beaucoup de bénéfices. Et ce jugement qui consiste donc à donner aux pauvres l'équivalent en argent de ses dépenses d'un an, on peut déduire aussi que lorsque quelqu'un a la zakat d'un gros montant permettant de combler les besoins d'un pauvre pendant une durée d'un an, et qu'il divise cela pour la partager à plusieurs personnes, c'est une erreur. On peut donc déduire de cela que il est mieux et plus avantageux pour le pauvre que celui qui a par exemple un gros montant de zakat, qu'il le remette à un seul pauvre au lieu de le diviser ça entre plusieurs personnes. Parce que des fois, certains frères qui ont des gros montants de zakat, ils peuvent se dire, bon, je vais en faire profiter plusieurs personnes au lieu d'en faire profiter une seule personne. Donc ils divident cela, ils donnent un peu à plusieurs personnes peut-être. Mais le jugement donc qu'on vient de voir, que ce qui est la sunna, ce qui est légiféré pour comme quantité d'argent à remettre à un pauvre, c'est pour que ça lui soit bénéfique, comme quantité de zakat à remettre à un pauvre, c'est donc ce qu'il lui faut pour financer ses besoins d'un an. Dans ce cas donc, on voit que il est mieux donc de remettre le tout à un pauvre, à un seul pauvre, de remettre le tout à un seul pauvre. Car avec cela, tu auras atteint l'objectif pour lequel la zakat a été légiférée, c'est-à-dire combler les besoins des pauvres pour une durée d'un an. Et vous voyez donc que si la sunna est respectée, ça fait que la zakat, elle est collectée et reversée aux pauvres chaque année. Et le nombre de pauvres donc diminue considérablement jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de pauvres ou qu'on ait du mal à en trouver, comme ça, cela a été rapporté à l'époque d'Omar radiallahu anhu. L'islam s'était tellement propagé avec les futuhat, il y avait tellement de zakat qui étaient collectés, l'état islamique est arrivé à un niveau où c'était difficile pour les gens de trouver des pauvres à qui reverser le monde. C'était difficile de trouver des gens, des pauvres à qui reverser le monde, tellement il y avait de richesses et la zakat qui était collectée était énorme. La zakat qui était donc collectée était énorme, et ça devenait, puisque les gens touchent chaque année, ils touchent, après ça devient que ça fait sortir la grande majorité des gens, ça fait sortir la grande majorité des pauvres de la pauvreté. Donc, vous voyez un peu la hikma, donc la sagesse derrière cette zakat. Donc, si on donne à un pauvre chaque année ce qu'il lui faut pour faire ses dépenses d'un an, vous voyez donc que chaque année, il a donc de quoi subvenir à tous ses besoins pour un an. Donc, dans ce cas-là, il sort de la pauvreté une fois. Il sort de la pauvreté donc une fois, puisque chaque année, il a de quoi subvenir à ses besoins. Chaque année, il a de quoi subvenir à ses besoins. Chaque année, il a de quoi subvenir à ses besoins. Donc, c'est donc pour ça que je disais donc, si par exemple un frère, il a une zakat, disons, il a une zakat de 5 000 ou 10 000 euros, au lieu de se dire que bon, bah, par exemple, je vais diviser ça, partager ça à 5 frères, chacun va toucher peut-être 5 000 ou 2 000 euros, il est mieux qu'il donne ça à un seul frère. Parce que s'il donne ça à une famille et qu'il a par cela comblé les besoins de cette famille pour la durée d'un an, il aura atteint donc les objectifs de la zakat. Alors que s'il donner, diviser cela en plusieurs et répartir cela entre plusieurs pauvres, certes, tu auras peut-être aidé un peu plusieurs pauvres, hein, plusieurs personnes en difficulté, tu les auras aidées, mais ces mêmes personnes, les 5 personnes à qui tu auras divisé cet argent-là, quelques mois après, ils seront tous les mêmes personnes, elles seront toutes encore dans le besoin. Et donc les objectifs n'auront pas été atteints. Alors que si tu concentres ça sur une seule personne, tu as réglé le problème d'une famille. Tu as réglé le problème d'une famille pour une durée d'un an. Et c'est mieux, puisque c'est l'objectif. C'est l'objectif de la zakat. Régler les problèmes du pauvre pendant un an, jusqu'à ce que la zakat de l'année d'après arrive. Donc, il est donc mieux donc pour les gens qui ont des grosses sommes de zakat de remettre le tout à un pauvre. Remettre le tout à une seule famille. Tu sais que cette famille, la Bidnillah Azawajel, tu les as fait sortir de la pauvreté, Bidnillah Azawajel, sur une durée d'un an. Ou tu leur as permis de pouvoir gérer leurs besoins pour une durée d'un an. Donc, c'est mieux d'aider le pauvre comme ça de manière durable, que de diviser ça et donner 500 euros, 1 000 euros à plusieurs pauvres. Et après, quelques mois après, tous ces mêmes pauvres-là, ils sont encore dans le besoin qu'on les aide. Donc, vous voyez un peu, donc le fait de comprendre les objectifs de la charia, de la législation islamique, le fait de comprendre ces objectifs, ça permet de nous guider. Et ça permet de nous guider donc dans notre manière d'agir en fonction des situations. Et donc, donner donc toute cette grosse zakat. Parce que les gens peuvent se dire ça, beaucoup de gens ils vont se dire, mais on va remettre 10 000 euros à une seule famille alors qu'il y a d'autres. Non, c'est mieux de remettre ces 10 000 euros, hein, ou plus. C'est mieux de les remettre à une seule famille. Au moins, tu as réglé le problème d'une famille pour une année et l'objectif est mieux atteint. L'objectif qui est recherché par la charia derrière la zakat est mieux atteint que de donner un peu à plusieurs pauvres. Ça va peut-être leur suffire pour un mois. Et le mois d'après, tous ces mêmes pauvres sont toujours tous dans la même situation où ils ont besoin d'aide. Donc voilà, voilà ce que on pouvait donc dire sur ce sujet-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Voilà donc, par ceci, on a donc fini de voir le cas donc des deux premières catégories citées dans la parole d'Allah Azawajal de Sourate Tauba, concernant donc la zakat, donc les bénéficiaires de la zakat, et il est donc on a vu donc le cas donc d'El Fakir et El Meskin, qui sont les deux catégories, et Inch'Allah, lors du prochain cours, on va continuer donc à définir les à à définir donc le reste des catégories. Donc on a vu deux catégories, el fakir ou el meskin. Donc il reste six catégories, donc dans les huit. Il reste donc six catégories de bénéficiaires de la zakat à voir, et qu'on verra lors des prochains cours. Bi'idhnillah azza wa jal. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.